19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver. Alors, certains d'entre vous ont dû se dire, tiens, il n'y a pas d'émission la semaine dernière. Effectivement, je vous rassure, je suis en pleine forme. J'ai eu une proposition que je ne pouvais pas refuser. J'ai appris juste la veille de l'émission que j'avais la possibilité d'aller voir Hellstorm à Paris. Donc, vous comprenez que j'ai pas pu résister. Donc, désolé à vous, pour vous, chers auditeurs, mais bon, rassurez-vous, on est de retour cette semaine, donc on va se la donner avec 2 heures de métal en fusion, comme toutes les semaines. Donc ce soir, ce qui vous attend, bien sûr, des nouveautés qui seront au nombre de 4, et puis aussi petit survol de l'actualité, et puis de tous les genres aussi, tous les sous-genres qui composent notre style musical préféré. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Eh bien tiens, je vous invite à aller faire un petit tour. On va aller au Japon, retrouver les charmantes jeunes filles de Love Bites. Et on va revenir donc à leur dernier live, ce qui est sorti au mois de novembre. Enfin, du moins, il est sorti chez nous en Europe au mois de novembre, mais il était disponible déjà en import japonais depuis le mois d'août. De ce live, ce double live s'appelle Knocking at Heaven's Gate Live in Tokyo 2023. On va se faire, pour bien commencer, du pur métal avec Nameless Warrior. et Nameless Warrior, donc deux extraits du dernier live des japonaises de Love Bites, ce live qui s'intitule Knocking at Heaven's Gate Live in Tokyo 2023, qui est sorti au mois de novembre. On va se faire maintenant la première nouveauté de la soirée, toujours en live, mais là beaucoup plus sombre, avec ce qu'on peut dire quasiment un tribute band dédié à El Hammer. Alors El Hammer, pour la petite histoire, ça a été un des premiers groupes qui a influencé le black metal. C'était plus sombre, plus noir que Venom. Bon, musicalement, c'était très approximatif, mais il y avait une noirceur, une rage dans ce groupe, à la durée très éphémère. D'ailleurs, le leader Tom Gabriel Warrior, très peu de temps après, a fondé Celtic Frost parce qu'il sentait qu'il était au bout de cette formule et qu'il voulait faire quelque chose de plus élaboré. Enfin, toujours est-il que El Hammer, c'est resté quand même une pierre vraiment majeure dans toute la musique extrême. Et Tom Gabriel Warrior a réuni un nouveau groupe qu'il a appelé Triumph of Death afin de faire revivre cet héritage en live avec des musiciens qui certainement n'étaient même pas nés à l'époque où le groupe avait sorti son unique album, enfin même pas un album, un EP qui s'appelait Apocalyptic Reds, qui est d'ailleurs à l'époque dans la presse avait fait vraiment, tout le monde était unanime en disant que c'était vraiment de la merde, hein, disons-le clairement, tout le monde disait ça, alors que maintenant tout le monde a tendance à dire que c'est quand même un album culte de chez culte. Donc là, avec donc de tout jeunes musiciens, l'ami Tom Gabriel Warrior a voulu rendre hommage à son vieux groupe, voilà, et a fait quelques concerts durant l'année 2023 et en a profité pour sortir donc un live donc avec ses morceaux, donc mieux enregistrés et puis certainement mieux joués, mais toujours aussi délicieusement morbides. Ce live s'appelle Resurrection of the Flesh, Triumph of Death Live 2023. Il est sorti et ça à peu près un mois à tout casser. On va se faire les deux petites douceurs. Tout d'abord, Maniac. Bon, inconvénient du live, voilà, une petite erreur. insanity. ce son rugueux, ça me rappelle toute ma jeunesse, oui, toute ma adolescence, où j'écoutais ce genre de truc. Là, j'ai l'impression de me décrasser les oreilles avec du fil barbelé, mais qu'est-ce que c'est bon. Donc, Triumph of Death, tribute band de El Hammer, avec Tom Gabriel Warrior, qui en était le chanteur guitariste. Extrait donc de ce live sorti récemment, Resurrection of the Flesh, Triumph of Death Live 2023, Blood Insanity à l'instant et Maniac. Et on va dédier ça à mon ami Laurent de Drifter Capharnaüm. Je me rappelle des après-midi où il avait toujours des trucs pas possibles à me faire écouter. Ah tiens, écoute ça, c'est pire que Venom. Et effectivement, c'était pire que Venom, mais il y avait un côté beaucoup plus malsain. Autant que Venom, ça pouvait faire sourire. El Hammer, ça faisait froid dans le dos quand même, voilà. Bon, vous êtes remis de vos émotions, maintenant on va revenir à quelque chose de beaucoup plus rock, avec le nouvel album de Redshift Empire New Horizons, et on va aller dans les étoiles rejoindre les astéroïdes. Encore une erreur, oh putain, ça fait beaucoup ce soir. Les Rémois de Kaiserian et leur dernier EP Else Home, c'était donc The Hoffman, juste avant, venu de la région parisienne, et leur nouvel album The Redshift Empire, extrait donc de New Horizons, et c'était le morceau Asteroids. Eh bien, on va se faire la deuxième nouveauté de la soirée avec un groupe qui décoiffe, qui s'appelle Eight Sins. Alors oui, moi aussi, je croyais que les péchés capitaux, ils étaient au nombre de 7. Eh bien, les joyeux rigolos du groupe Eight Sins nous ont dit que non, c'est pas vrai, il y en a 8. Ben, je pense que le 8e, ça doit être eux. Alors, quand on voit la pochette du groupe, ben, c'est difficile de les prendre au sérieux. On y voit un pastiche où ils sont en espèce de Ghostbuster, en train de se battre contre des monstres pas possibles. Et quand on voit la photo intérieure où on les voit tous les quatre dans un caddie, dans le rayon, dans un supermarché au rayon papier toilette, on se dit, ouais, c'est clair que là, c'est de la franche rigolade. Et cet album Straight to Namek, d'ailleurs, il y a qu'à lire les titres de morceaux, Last Action Zero, Street Trash, Slice of Doom, enfin bref, voilà. C'est du second degré assumé. Et ça défouraille, c'est ça qu'on aime. Donc on va se régaler avec un petit extrait de cet album qui s'appelle Acid, le morceau Acid Hall, et puis la petite intro Enter the Mec pour mettre bien dans l'ambiance. Liquid. Bien sûr, Radio Arc-en-Ciel 96.2, et c'est bien Electric Shock, l'émission qui grille les freins et les neurones et qui frappe la tête tous les mardis soirs entre 19h et 21h. À l'instant, c'était Stubora et son nouvel album Écorché Vif, c'était le morceau Voyage en Enfer. Bien énervé, les trashers de Eight Sins et leur premier album Straight to Namek, avec le morceau Acid Hall et la petite intro Enter Namek. Ça, c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée. Et bien maintenant, si vous voulez bien, je vais vous emmener faire un voyage très loin, très loin dans les tréfonds de l'âme, très sombre, avec un petit peu de black metal. Et pour ça, on va revenir au deuxième album de Lunar Tomb Fields, An Arrow to the Sun, que je vous avais présenté, oui, il y a 15 jours. Donc cet album, on va se faire un petit morceau épique qui s'appelle Solar Chariotine, mais juste avant une intro qui s'appelle An Elegy to the Fog Dancer. Mais ne vous laissez pas prendre par son côté un peu doom, après ça va aller vers autre chose. Vous êtes prêts à aller dans les tréfonds de la noirceur? Allez, je vous y invite tout de suite. We'll be right back. Cela, Charioteer et l'intro Energy for the to the Fog Dancers, c'est donc deux extraits de An Arrow to the Sun, des black metalleux de Lunar Tombfields. On va continuer maintenant à quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll et on va se faire un hommage à Miles Goodwin. Miles Goodwin était le chanteur-guitariste de April Wine, un groupe canadien, qui peut-être n'a pas eu un grand impact chez nous en Europe sur la scène musicale. Par contre, ce groupe qui quand même existe depuis plus de 40 ans, a quand même beaucoup marqué la scène musicale américaine et je pense que beaucoup de nos vedettes préférées doivent beaucoup à ce groupe de par sa ténacité et aussi c'était un des précurseurs du hard rock. Enfin, April Wine, pour la petite histoire, ils ont été quand même invités à la première édition des Monsters of Rock en 1980. Et donc, pour rendre hommage à Miles Goodwin qui nous a quittés à l'âge de 75 ans le 3 décembre dernier, on va se faire un extrait d'un live qui s'intitule Greatest Hits Live 2003, enregistré au Sweden Rock en 2003, bien sûr. Et on va se faire un de leurs grands classiques, I Like to Rock, et le premier ou la première qui d'ailleurs devine, parce qu'il y a deux riffs très célèbres qui s'entrechoquent dans ce morceau, de deux plus grands groupes du monde, le premier ou la première, gagne un cadeau. Voilà, 02 38 43 48 0 0 0, ainsi que toute la considération d'Electric Shock, bien sûr. Allez, April Wine maintenant. We'll be right back. Motorhead, reconnu Rock It, un extrait de l'album Another Perfect Day, justement, c'est extrait de la réédition de cet album, et c'est sur le live bonus, live at Hull City Hall, du 22 juin 1983. Avant Motorhead, bien rock aussi, c'était donc les Canadiens de April Wine, ça son hommage donc à Miles Goodwin, qui était leur chanteur, guitariste, qui a disparu donc début décembre. I Like to Rock, un de leurs classiques, extrait de l'album Greatest Hits Live 2003. Et l'ami Chris a deviné un des deux riffs, mais pas les deux. Il y avait, vous avez reconnu bien sûr, Satisfaction des Stones, qui était doublé avec Day Tripper des Beatles. Peut-être que vous avez reconnu, mais vous n'avez pas osé appeler. C'est dommage pour vous. Enfin, continuons toujours rock, mais beaucoup plus soft maintenant, avec la troisième nouveauté de la soirée, avec le nouvel album de Paul Pechnard. Alors Paul Pechnard, sinon vous dites quelque chose si vous êtes amateur de la scène rock française entre les années 70 et le début des années 2000, puisque c'était le guitariste des Dogs, donc groupe mythique de la scène française, qui s'est séparé en 2002 suite au décès de leur chanteur, malheureusement. Et du coup, l'ami Paul Pechnard a continué à faire une petite carrière, à sortir ses albums quand bon lui semble. Là, c'est déjà son septième, qui s'appelle Mon coin de ciel. Alors, on est dans un univers quand même plus soft et beaucoup plus apaisé que n'étaient les Dogs, même si les Dogs, ça n'a jamais été non plus du death metal. On va dire que c'est presque rock variété, mais c'est très très bien foutu. Donc son nouvel album s'appelle Mon coin de ciel. On va découvrir le morceau Voyager léger. C'est donc le petit conseil qu'il nous donne ce soir. coffre de vacances sur les rivages où la mer danse, efface mes traces, emporte mes soucis hors de ma vue, hors de ma vue. J'ai toujours aimé voyager léger, me laisser porter, me laisser aller, me laisser vivre, vivre, me profiter, me laisser rester libre, vivre, m'étarder. tout cool. Can the Blue Devils avec un extrait de leur album Anywhere, Piece of My Heart. Et juste avant la troisième nouveauté de la soirée avec l'ancien guitariste des Dogs, Paul Pechnard, et son septième album solo, Mon Coin du Ciel. Et c'était Voyager Léger. On va se faire quelque chose d'un petit peu plus furieux, si vous voulez bien. On va revenir au EP de Hell Is Nothing, dit In The Circle, avec une petite douceur intitulée Rising Fear. We'll be right back. Electric Shock, l'émission qui grille les neurones, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. À l'instant, In Hell Is Nothing, avec un extrait de son EP The Circle, c'était Rising Fear. Si vous êtes comme moi, que vous n'en pouvez plus d'attendre le nouveau Judas Priest qui devrait sortir au mois de mars, eh bien en attendant, on a le Judas Priest Beast, c'est-à-dire KK's Priest, l'ancien guitariste avec l'ancien chanteur Tim Owens. C'est leur deuxième album, The Sinner Rides Again, pour se régaler. Et là, on va se faire un petit morceau typiquement priestien, bien sûr, Strike of the Viper. Yeah. Darken, dont c'est le grand retour, vétéran donc de la scène métal française des années 80-90 avec leur nouvel album Welcome to the Light, sorti au mois de septembre, et c'était le morceau Don't Blame Me. Sorti un peu plus tard, le retour de l'ancien guitariste de Judas Priest, KK Downing, avec son projet KK's Priest, et son deuxième album The Sinner Rides Again, c'était Strike of the Viper. On se met quelque chose d'un peu plus stoner. Eh ben tiens, moi j'ai bien envie de me passer un extrait du dernier Baroness, pas vous? Eh ben un petit extrait de Stone tout de suite, là maintenant. Quiet. Yeah. Great forgotten God. Smashing every phone, speaking to the phone. There's a days of losing faith. There's a days of missing grace. Qu'on n'avait pas passé, un petit extrait de Fade Into Blurred Line, le dernier album de Seven Weeks. C'était Gorgo à l'instant, avant Seven Weeks, les Américains de Baroness et leur nouvel album Stone et le morceau Choir que vous avez eu en exclu. Eh bien, on va se faire la dernière nouveauté de la soirée avec un nouvel album pour les vétérans de la scène musicale française, Sortilège, légende du métal français. Alors, quand j'ai vu que sortent un album de sortilège. J'ai dit, putain, déjà, malgré leur retour après plus de 30 ans d'absence, ils ont sorti leur dernier album, l'Apocalypso, là, au mois de mars. Et en fait, non, c'est tout simplement un live. Alors, moi, je vous avoue que Sortilège, j'étais un grand fan des années 80, mais que j'ai lâché l'affaire depuis vraiment très très longtemps. Et quand j'ai appris leur retour, au départ, j'étais quand même quelque peu intrigué. Puis après, bon, quand on voit les tribulations tragicomiques où finalement, il se retrouve que juste le chanteur est d'origine et tout le reste, le seul musicien d'époque, et que le reste c'est un peu des musiciens rapportés, va-t-on dire. Même si ceux-ci sont des musiciens de talent, il n'y a aucun problème. Je dois avouer que moi, les reformations où il n'y a qu'un seul membre d'origine, ça me laisse toujours un peu quelque chose un peu d'amer. Enfin, toujours est-il que le retour de Sortilège a été quand même très réussi, puisqu'apparemment il y a beaucoup de demandes. Les concerts qu'ils avaient faits en 2002, juste après le Covid, les gens étaient très demandeurs du groupe. Et le nouvel album Apocalypso, apparemment, a eu un très bon accueil auprès du public, et aussi bien dans les médias, enfin bref. Du coup, le groupe a voulu battre le fer pendant qu'il était encore chaud, sortir un CD, DVD live, après tout, pourquoi pas, au contraire, c'est même une très bonne idée. D'ailleurs, tiens, si vous aimez Sortilège, ils seront en concert pas loin de chez nous, à Cléry-Saint-André, pour la troisième édition du Creekfest au mois d'avril prochain. D'ailleurs, je vous en profite pour vous dire, et vous avez deux bonnes raisons pour écouter Electric Shock la semaine prochaine, puisque ce sera Noël, donc plein de cadeaux, bien sûr, et j'aurai pour invité justement Chris de Prisma, qui nous présentera donc son album et aussi qui nous parlera certainement un peu du Creekfest qu'il organise aussi, voilà, à ce moment-là. Donc Sortilège donc a sorti un CD-DVD très intéressant au niveau de la setlist, puisqu'on y retrouve évidemment des titres d'Apocalypso et aussi des titres des deux albums L'Arme de Héros et Métamorphose, qui avaient fait quand même un, à l'époque, sensation. Alors les points positifs et négatifs, on va dire, eh bien le son est vraiment terrible, les musiciens jouent vraiment au cordeau, et on peut dire que le public, c'est vraiment le sixième membre du groupe. Le seul problème que je trouverais à reprocher, c'est que je ne comprends pas pourquoi avoir choisi un concert avant même la sortie d'Apocalypso, parce que ça coupe quelque peu l'ambiance, parce qu'évidemment, sachant que le concert a été enregistré fin janvier et que l'album est sorti début mars, quand Zouï annonce un nouveau morceau, évidemment, ça fait un peu bizarre, parce que les gens sont là plus à l'écoute, plus ceux qui ont envie de crier leur enthousiasme, ce qui est bien normal. Le deuxième reproche que je ferai aussi, c'est que, bon, je comprends que pour des problèmes de durée, tout le concert n'est pas pu tenir sur un CD. Un CD, ça fait 80 minutes, le concert a duré quasiment 2 heures. Par contre, sur le pendant DVD, je pense que ça aurait pu se faire, étant donné que le support permet quand même de mettre beaucoup plus d'informations sonores et audio. Bon, c'est dommage. Mais enfin, bon, on a en bonus un autre concert enregistré au Hellfest 2022, où il y a d'autres titres. D'ailleurs, je crois que ça correspond à peu près, grosso modo, aux titres qui n'ont pas été mis sur ce CD. Eh bien, pour ce soir, on va faire un panachage du neuf et du vieux. Tout d'abord, un extrait d'Apocalypso, puis après, un de leurs grands classiques. Tout d'abord, donc, Vampire, extrait de ce Coram Populo. Vous allez dire, qu'est-ce qui cause, et on a envie d'écouter de la musique. Et voilà, maintenant, c'est parti. Voici Vampire. We'll be right back. l'ancien et le nouveau sortilège d'un grand classique Métamorphose, et avant c'était Vampire. Donc tous deux extraits du pack CD-DVD Coram Populo, sorti mi-novembre, et c'était donc la dernière nouveauté de la soirée. Continuons maintenant, changeons de registre avec In This Moment et son dernier album God Mode et Skyburner tout de suite. I'm Everyday de Suicide Puppets, extrait de Beyond the Veil. Voilà, c'est le dernier morceau pour Electric Shock. Donc, je vous rappelle que vous avez deux raisons pour ne pas rater Electric Shock la semaine prochaine, puisque c'est l'émission spéciale Noël, où le Père Noël donc fait plein de cadeaux pour vous, chers auditeurs. Et en même temps, on recevra donc le groupe Prisma, qui nous présentera son album. Donc, voilà, vous avez donc deux raisons pour écouter Electric Shock. Bon, Electric Shock, c'est fini pour ce soir. Mes amis Nightclubbers ont rendez-vous avec Electro Live. Donc la musique continue sur Radio Arc-en-Ciel. Donc salut à Christophe, succède à notre Christophe. Salut Christophe. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Qu'est-ce que tu as à proposer aux amis Nightclubbers pour le Before? Alors ce soir, je vous emmène retour vers le futur, donc en 90. C'est une soirée rétrospective avec les débuts de la techno, parce que ça s'appelait pas l'électro à l'époque, ça s'appelait la techno. Donc les vieux comme moi, enfin je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans peuvent pas connaître, hein. Parce que c'est pas voilà. Sa vie. Hein. C'est pour ça que j'ai vu la DeLorean garée dans le parking alors. C'est ça. Donc là je vous emmène avec des titres qui datent de 90 à 92 à peu près. Et après on va sauter de 94 à 96. J'ai un trou. Ouais, non, Zeus, on a fait un retour dans le temps. C'est ça. Mais j'ai un trou parce que je suis parti à l'armée à l'époque, donc il me manque. Ah, toi aussi. Ah ouais, c'est pour ça que. Oui, mais tellement que je suis parti après les autres. Donc voilà, donc je vous emmène. Je vais vous jouer ce qu'on jouait à l'époque. Donc, désolé pour la qualité, hein. Il y a certains titres, beaucoup même, c'est des vinyles que j'ai numérisés il y a longtemps. Et j'ai pas les titres. Ah, mais bon, j'ai tellement joué, tellement dansé dessus, ça devrait le faire. Voilà quoi. Donc, Electro Live spécial, retour vers le futur. C'est ça. C'est tout de suite. De 90 à 96. Avec Christophe. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour l'émission spéciale Noël avec le groupe Prisma. Allez, salut à tous.